Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Albanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble jusqu'à 23h, donc 2 heures d'émission presque en direct, hein, parce qu'encore une fois, depuis plus de 6 mois maintenant, l'émission est enregistrée un petit peu plus tôt dans la semaine, et on vous la diffuse bien sûr sur le créneau historique. A noter que pour ceux qui n'auraient pas l'occasion, pour X raisons, d'écouter l'émission le dimanche soir, elle est disponible dès le lundi en fin de journée, début de soirée, via notre blog, hein, vous tapez le Banger Radio Show sur Blogspot. Et vous nous trouvez. Vous avez donc à partir de ce support l'occasion de réécouter, télécharger l'émission. Et surtout pour certains titres qu'on vous diffuserait qui sont assez longs. Sur Radio Béton, on ne peut pas se permettre par exemple d'envoyer des morceaux qui font 10-12 minutes. Sur le blog, on s'en fout, on n'a aucune limite de timing. Donc du coup, vous pouvez retrouver les morceaux en intégralité. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle émission qui va accueillir pas mal de petites nouveautés au niveau de la prog. On retrouve des jeunes formations telles que les Français de Sorcerer, les semi-vieux de Evil et les très très vieux par exemple de Solstice. Voilà la formation de Thrash Death qui nous vient de Floride. On aura l'occasion de revenir tout au long de l'émission sur ces nouveautés et quelques autres que j'ai pas encore évoquées. Voilà donc, bienvenue dans l'émission, que l'on commence tout de suite en musique avec la première doublette de l'émission d'aujourd'hui, Cannibal Corpse tout d'abord, la formation de Death Metal qui sort son 15e effort studio. J'en ai parlé ces dernières émissions uniquement sur un ressenti personnel via ce que j'avais lu à droite à gauche et via mon ressenti sur Cannibal. Comme je l'ai dit sur les précédentes émissions, ça fait depuis Kill qui est sorti en 2006. Que je n'écoute un album de Cannibal que quand je l'ai reçu en version physique, c'est-à-dire je m'immerge à 200% dans le Scud, je le ponce et après j'en parle encore un peu mieux. J'ai mis un petit peu de temps à pouvoir faire ça sur ce Violence Unimagined, tout simplement parce que je me suis fait avoir comme un naze au niveau des précommandes, hein. Je pensais pas que ça partirait aussi vite, donc j'ai dû attendre un restock pour recevoir le mien. Il est très bon. Cet album de Cannibal. Alors oui, Cannibal fait du Cannibal, les mecs, ça fait 30 ans qu'ils font du putain de death metal, ils ont une touche, ils ont une patte, ils ont presque un style de death bien à eux. Oui, ça peut être chiant, je comprends. Ceux qui disent que Cannibal, il se passe plus rien depuis le milieu des années 90, etc., etc. Alors qu'en fait, si, il se passe énormément de petites choses, les mecs vieillissent cependant, et ils maintiennent toujours cette espèce de... comment dire, de lassitude. Alors attention, quand je dis ça, venant de moi, ça reste quand même un énorme compliment, hein. Cannibal te garde en fait un niveau de lassitude tellement élevé qu'album après album, c'est ultra qualitatif. C'est, voilà. Les deux précédents, Torture et Red Before Black, étaient un peu longués. C'est vrai qu'il manquait toujours un truc qui va faire la différence. Alors on a toujours un 2-3 tubes par album, plus un espèce de mid-tempo roulant compresseur mortellement efficace. Pour moi, le dernier vraiment très bon album de Cannibal, c'était Skeletal Domain, qui était particulièrement sombre pour un Cannibal. Là, Violence Unimagined, il est vraiment très bon. Comme j'ai pu le lire partout, je suis parfaitement d'accord avec ça. Eric Rutan, il a apporté ce nouveau souffle dont Cannibal Corpse avait besoin, ce génie, cette touche dans le riffing. Enfin, le mec, il vient de débarquer. Bon, même si ça fait quelques années qu'il est dans l'entourage de Cannibal, hein, c'est le quatrième ou cinquième album que Cannibal enregistre avec lui au Mana Studio. Le mec, ils lui ont quand même laissé la place pour 3 morceaux composés en intégralité, musique et paroles. C'est énorme, la confiance, la complicité qu'il y a entre les membres historiques de Cannibal et Eric Rutan. Ça se voit, ça se sent sur ce nouvel album studio. Voilà, alors au niveau des parties de batterie, bien sûr, Paul Mazurewski, il a atteint ses limites, hein, depuis quelques années. Cependant, il se lance dans des espèces de patterns, des rafales, des trucs rapides. Enfin voilà, on n'est pas sur du blast beat, du brutal death ou quoi. On est vraiment sur du putain de death metal bien lourdeau, bien efficace. Et puis, il y a même des titres sur lesquels on retrouve presque une espèce de mélodie. Donc ça, c'est le riffing 100% Rutan, hein. Donc voilà, on va s'écouter le titre Surround Kill Devour, qui pour moi est clairement un des futurs tubes de Cannibal Corpse. En live, celui-là, il va être mortellement efficace. Et du coup, voilà, si vous n'avez pas forcément chopé l'info, essayez à l'oreille, si vous êtes suffisamment calé sur Cannibal, essayez à l'oreille de vraiment détecter les trois morceaux 100% composés par Rutan. Vous allez voir, enfin, je trouve que ça saute aux oreilles la différence qu'on peut retrouver sur le reste des titres. Cannibal Corpse, donc on ouverture d'émission, on les retrouve en doublette avec une nouveauté, Evil, le groupe de thrash américain qui sort un nouvel album. Alors Evil, c'est pareil, hein, je m'excuse, il y a un petit peu de blabla. Après le long prologue pour Cannibal. C'est le premier album qui sort depuis 2013, hein, presque 10 ans d'absence des studios pour Evil. Cinquième album pour la formation anglaise. À noter le pourquoi du comment, tout simplement parce qu'il y a eu un changement de line-up assez important. Donc le frontman, hein, guitariste-chanteur Mark Matt Drake, a quitté le groupe l'année dernière, juste avant que le groupe ne rentre en studio pour mettre l'album en boîte. Donc c'est un des fondateurs avec son frère Al Drake. Et pour le coup, Al Drake, qui avait lui-même quitté le groupe entre 2013 et 2018, et ben il est revenu, en fait, et il s'empare du micro, et toujours la guitare. Donc voilà, un peu de chambardement au niveau du line-up de Evil, un Drake peut en cacher un autre. On est sur du trash ultra classique, hein, presque trash américain. Voilà, c'est contemporain sans être trop moderne. Voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça fait le job, c'est toujours plaisant à écouter. Puis Evil, voilà, ça fait le taf. Voilà donc pour la doublette d'ouverture d'aujourd'hui. Evil, on s'écoutera le titre Hell Unleashed, qui n'est autre que le titre de l'album. Album déjà dispo, et bienvenue dans l'émission. pour la doublette suivante, eh ben, on s'envoie une autre nouveauté, Cold Cell. Alors c'est une découverte, hein. Groupe de black metal suisse qui a vu le jour en 2012, ils sont signés sur le label français Les Acteurs de l'Ombre. Ils sortent là leur quatrième album studio. Cold Cell, musicalement, on est sur du black assez atmosphérique. Au niveau des parties vocales, on retrouve même des ambiances proches du DSBM, hein, le black dépressif, et des alternances musicales où on est pas loin du brutal black, où là ça bastonne à fond de cale. Voilà, les intentions sont bien sûr bien extrêmes, bien intenses. Cold Cell, donc, qui sort son quatrième effort studio chez les Acteurs de l'Ombre, The Glitter Evil. Et dans la foulée, Bottom After Midnight, le seul et unique EP posthume sorti par le nouveau projet musical, bien sûr, de Alexis Layo. Paint the Sky with Blood, un EP 3 titres, hein, 2 compos originales et une cover de Dissection. Paybacks is a Bitch, clin d'œil au film, et Open Wound juste avant de Cold Cell, c'est parti. Yeah. troisième doublette donc avec ce groupe qui va faire fumer vos enceintes et vos casques. Bongzilla tout d'abord, la formation Doom Sludge des États-Unis qui sort son nouvel effort Wisconsin, l'album est déjà dispo. Free the Weed, titre voilà, on ne peut plus éloquent pour Bongzilla. Et dans la foulée, le trash des Norvégiens de Necromanteon. Necromanteon, trash presque blackisant dans les relents. Thanatos, le titre qu'on va s'écouter tout de suite, extrait de leur nouvel album Vision of Trismegistus, une sortie 100% norvégienne sur le label Indie Recording. C'est parti. We'll be right back. suite, eh ben, c'est une doublette extrême venue de chez nos cousins du Grand Nord québécois, puisqu'on va s'écouter Spectral Wound, enchaîner une nouveauté Intonate. Spectral Wound, on est sur du métal noir, hein, le pure black metal québécois, Double Ache Thirst, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Et dans la foulée, une nouveauté avec Intonate, donc ça reste extrême, sauf que là on vire un peu plus du côté du death. Donc on est sur un tech death prog assez dissonant, hein, on n'est pas loin de retrouver des influences à la Gorguts, presque aussi crado que Ulcerate, mais en moins étouffant cependant. Second album studio qu'ils sortent chez Wylotype, 5 titres. Des coupeaux très très riches, hein, qui vont de 6 à 10 minutes. C'est bien foutu, comme je disais, c'est moins lourd, moins éprouvant à écouter qu'un Ulcerate. Voilà, il y a un bon équilibre entre les parties vraiment plus atmo, prog et les parties blastées. Voilà, et puis la bonne grosse voix de caverneuse par-dessus qui en impose un max. Spectral Wand et Intonate, doublette venue du Grand Nord, donc. Spectral Wand tout d'abord, Fair Lucifer, Sad Relics, et dans la foulée Intonate avec le titre Sever, c'est parti. We'll be right back. On entre déjà dans l'aspect française, hein, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On entre dans la séquence 100% sortie hexagonale avec tout d'abord Gojira qui sort son nouvel effort studio Fortitude, une sortie sur le label ricain Roadrunner Records. Born for One Thing, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Les extraits sont très inégaux au niveau de leurs influences, je trouve, sur ce nouvel effort de Gojira. Enfin, c'est pareil, autant j'ai décroché depuis quelques années, autant cet album, je vais lui donner une chance, hein, comme au précédent, même si les extraits m'ont déjà un peu plus attiré l'oreille et l'intérêt. Et voilà pour Gojira. Et dans la foulée, une autre nouveauté, Sorcerer, formation de hardcore, pas Blackened hardcore, mais presque au niveau des ambiances ultra sombres, on est presque sur du négative hardcore. Joy, c'est le nom de leur tout premier EP. C'est mortel, Sorcerer. Voilà, Only God Forgives, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Et juste avant Sorcerer, un titre de Gojira.